Bienvenue sur 89.5 de la bande FM si vous nous rejoignez www.radiodo.org pour l'écoute en ligne, le streaming comme l'on dit. Bienvenue sur Duo pour l'émission mensuelle réalisée en partenariat et étroite collaboration avec le GREMOS, groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, qui investit les ondes et la grille à nouveau cette année pour une émission mensuelle à retrouver le troisième jeudi de chaque mois. Le GREMOS qui s'engage dans la valorisation de recherche de plusieurs manières. Elle organise il organise le collectif, l'association des journées d'études, publie des actes de ces journées d'études, monte des expositions avec les archives municipales, la bibliothèque municipale ou le musée de la mine, et c'est le cas précisément pour ce mois, cette émission de ce mois de novembre. Nous allons nous arrêter avec quelques invités sur l'exposition installée depuis peu au Puy Couriau, Parc Musée de la Mine de Saint-Étienne. L'exposition intitulée « D'ici et de là-bas, Timsrit Saint-Étienne, mémoire de mineurs ». Pour nous parler de ce travail, cette exposition qui résulte aussi d'un travail d'études et d'enquête précisément, nous accueillons Catherine Gauthier, commissaire de cette exposition, et Daman Boisiz, qui est réalisateur et qui participe depuis de longue date maintenant à ce projet GREMOS, émission spéciale donc, durant l'heure à suivre. Je rappelle que vous pouvez également retrouver toutes les informations sur la toile Le Net et retrouver notamment ultérieurement cette émission en ligne via la toile www.gremos2mos.l'autre.net. Bonjour aux invités Catherine et Daman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur l'antenne de Duo. Je vous laisse la parole pour engager cette émission spéciale consacrée à D'ici et de là-bas, cette expo visible jusqu'à début d'année 2013 au Musée de la Mine de Saint-Étienne. On va peut-être commencer par recamper un peu le décor, comme l'on dit, donc présenter un petit peu l'historique de cette installation, de cette exposition, ainsi que sa démarche. Oui, alors donc c'est une recherche, un projet qui a démarré en 2007-2008, et pour ce qui est du volet plus recherche scientifique en sociologie. Et en fait, cette recherche, elle s'est faite à l'issue de travaux dont j'avais eu connaissance, des travaux qui avaient été faits par le France, par des jeunes encadrés par le France, suite au très beau film de Yamina Benguigui sur la mémoire immigrée. Donc le France avait eu envie de prolonger un peu cette aventure localement. Et là, pour le coup, je passe la parole à Daman qui va vous dire un peu comment le France avait travaillé à cette époque-là. Alors le cinéma Le France, via notamment Antoine Rava, le responsable du dispositif passeur d'images sur le département. C'est vrai qu'il y a un travail qui est effectué depuis une quinzaine d'années sur Saint-Étienne, sur les mémoires et l'immigration. Alors ce que je me souviens, c'est que le tout premier contact qui a eu lieu avec notamment la région de Timsrit, c'était en 2005, c'est aux rencontres cinématographiques de Béjaïa, si je ne me trompe pas, avec notamment deux jeunes, Mehdi Baouzi et Nabi Djedouani, qui étaient allés sur le site de Timsrit, où ils ont rencontré les membres de l'association Cineplus, qui travaillent sur la mémoire aussi, via l'outil audiovisuel, auprès de jeunes notamment. Donc c'est là que le tout premier contact a eu lieu. On a aussi un personnage qui est important dans cette historique, c'est Mouloud Kinzi, qui est originaire de Timsrit et qui est un militant associatif, qui est connu sur Saint-Étienne, très engagé, qui nous parlait souvent de Timsrit, qui avait une vraie filiation entre le village de Timsrit et Saint-Étienne, parce qu'on a beaucoup de gens originaires de là-bas qui sont installés à Saint-Étienne, qui a une histoire avec la mine aussi, qui est important parce qu'à Timsrit, il y avait une mine de fer, une exploitation qui a duré, je crois, les premières années, c'est 1900. Ouais, c'est le début du XXe siècle, voilà. jusqu'en 65 à peu près. Voilà, et on a donc beaucoup de mineurs algériens qui ont débuté à la mine de Timsrit et qui sont venus travailler à Saint-Étienne dans les mines de charbon. Donc voilà. Donc mon travail, c'est donc je suis réalisateur, intervenant audiovisuel, technicien. Et je travaille sur des projets avec des jeunes, donc pour le France en général. Et donc moi j'étais chargé, la première fois que j'y suis allé, c'était en mars 2008, on était quatre avec Anaïs Castella, Tristan Castella et Mouloud notamment. Et c'est là qu'on a vraiment établi un premier travail, sachant que l'association Cineplus avait déjà un projet qui lui tenait à cœur, c'était de faire un film sur l'histoire de sa mine. Oui, l'association Ciné Plus, en fait, voilà. C'est l'association qui est là-bas à Timsrit et qui s'occupe des jeunes, voilà. Qui est une association cinéphile et qui faisait, voilà, qui a commencé un travail sur la mémoire de la mine là-bas. Ils avaient commencé à un petit peu réfléchir à l'histoire. Donc, il y a un sociologue, c'est Hazdin Kinzi, oui. Qui est un cousin à Mouloud, qui lui aussi a fait un travail de recherche sur l'histoire de la mine. Donc, à cette époque, déjà en mars 2008, il était là et on avait fait des premiers entretiens avec lui, qui nous a expliqué un petit peu tout l'historique, toute l'importance de la mine. Alors, moi, ce que j'ai découvert à titre personnel, c'est que en fait, cette histoire n'était pas connue. Parce que quasiment toutes les familles de Timsrit et des alentours, ils ont un père, un grand-père, un oncle, un cousin qui a travaillé dans cette mine. Mais c'est une histoire qui ne se racontait pas, qui ne s'est pas transmise. Donc c'était un peu la toute première fois que cette histoire ressortait. Donc on est parti avec des jeunes rencontrer des fils de mineurs ou des anciens mineurs et avec une caméra faire des premiers entretiens. Donc c'est mars 2008 et puis après, depuis jusqu'à aujourd'hui... Il y a eu plusieurs épisodes, je ne sais pas si on y reviendra après. Oui, parce que alors là, on s'arrête et on s'attarde sur le travail mené là-bas, à Timsrit. Mais ensuite, ça a impulsé aussi un travail autour de cette mémoire-là et des liens étroits, échanges avec Saint-Étienne. Parce que la famille là-bas, les grands-pères, plusieurs générations ont travaillé dans la mine, mais aussi des familles ici ont un contact permanent. Des gens sont aussi à Saint-Étienne immigrés, ont migré à Saint-Étienne. Et ça a impulsé auprès du Travail de France ce travail de mémoire aussi là. Ça a donné lieu, alors je me souviens, c'était le film Saint-Étienne, Timsrit, Aller-Retour, qui justement faisait le lien entre ici et là-bas, ces circulations de mémoire, mais d'images. Donc ça avait déjà, le travail était entamé aussi déjà au travers de ce projet-là. Ça a amené le projet ici. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait déjà eu un travail qui avait été mené en réflexion avec le France, avec des jeunes filles notamment, qui avaient interrogé des familles dans le quartier Monteau. Donc c'était fait avec le parc Monteau. Et qui avait interrogé des personnes du quartier Monteau qui se trouvaient être originaires eux-mêmes de Timsrit. Donc du coup, en fait, les liens se sont faits. C'est comme ça que le France a eu un petit peu envie de rejoindre Timsrit. C'est comme ça. Enfin bon, voilà, il y a eu en fait un parallèle entre des travaux d'action culturelle, on va dire, locale avec les jeunes. Et moi, je suis arrivée, en fait, alors que ce travail avait déjà été commencé, et j'ai eu envie de voir comment ils procédaient. Et puis en même temps, de m'inscrire dans cette démarche, quoi. Okay. Alors, du coup, quand est-ce que tu es arrivé sur ce projet? Qu'est-ce qui t'a intéressé et amené à vouloir conduire un travail véritablement d'études et d'enquête? Ouais. Alors, en fait, il faut qu'on soit court, parce que sinon, il y en aurait pour très longtemps. Mais moi, j'avais déjà travaillé sur la circulation des migrants marocains entre la France et le Maroc. Et pour mon doctorat en sociologie, et à cette occasion-là, en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de Marocains, en me racontant leur histoire, me disaient qu'ils étaient arrivés en France par Saint-Étienne et par le travail minier, et très tôt. Et du coup, ça m'a interpellée parce que moi, qui étais arrière-petite fille de mineure stéphanoise, qui baignait un petit peu dans ce milieu en l'ayant quand même très largement oublié, je ne savais surtout pas du tout qu'il y avait, sinon des étrangers, des Maghrébins en particulier, qui étaient venus travailler dans la mine. Et je me suis dit, il y a une sorte d'oubli collectif un petit peu intrigant. Et donc, j'ai voulu creuser un peu ça. Et du coup, quand j'ai vu que le France, avec des jeunes, faisait ce travail-là, je me suis dit, bon, il faut aller voir de plus près, puis il faut essayer de faire un travail là-dessus, ça serait intéressant. Et comme j'avais des petits moyens, je ne suis pas statutaire à l'université, donc c'est la recherche de petits financements pour faire de petites recherches. Donc, je m'étais dit, je vais faire un petit truc facile, je vais contacter quelques familles, leur dire de me montrer 2-3 photos, 4 lettres, et puis on va établir le contact avec l'Algérie où je ferai pareil. Et en 6 mois, c'est plié. Sauf que c'est pas franchement comme ça que ça s'est passé, que quand on travaille dans avec d'autres associations qui sont à l'étranger, ça prend toujours un peu plus de temps, faut se connecter, faut se rendre visite, et puis la recherche, c'est un temps de mise en confiance, maturation, etc., qui est très long. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, le Ciné Plus a été invité par le France pour venir faire un atelier cinéma sur place, et que là, la rencontre s'est faite. Et après ça, avec Daman, en novembre, on est parti en Algérie. Donc Daman a fini de m'introduire, parce qu'il les connaissait quand même mieux que moi. Il y a eu un contact absolument immédiat, une confiance absolue, très très bon... Bon, voilà, très bonne relation qui s'est faite, et avec les cadres de l'assaut, et avec les jeunes, et avec les gens du coin, les témoins, quoi. Je les appelle les témoins, que ce soit des mineurs ou des fils de mineurs. Et là, on a commencé une série d'entretiens. Ce qui nous avait marqué quand ils étaient venus à Saint-Étienne, c'était que là, on avait justement travaillé avec eux, on avait fait déjà des entretiens filmés qui nous ont servi après à réaliser un petit film d'animation qui s'appelle Saint-Étienne, mon village. Et donc, à cette occasion-là, ils nous ont parlé. On a fait une sorte de débriefing à la descente de l'avion. Et là, ils nous ont dit, mais Saint-Étienne, on n'est jamais venu, mais on connaît Saint-Chamond, on connaît... Ils se sont mis à nous citer des noms de rues, des noms de quartiers, comme ils avaient passé leur enfance ici. Et en fait, ils nous disaient, mais moi, je connais parce que mon père et mon grand-père, ils sont venus travailler à la mine ici. Ma sœur, elle est installée là depuis 50 ans parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un qui est venu travailler ici. Et donc, Saint-Étienne, c'était chez eux. Et ça nous a vraiment... vraiment impressionné, et puis de voir aussi que quand ils arrivaient et qu'ils ne connaissaient pas, il y avait tout de suite un réseau des Kabyles de cette région-là qui les accueillaient de partout, qui les appelaient, qui les dirigeaient vers tel ou tel endroit pour avoir des informations, faire des courses, rencontrer un tel. Et voilà, pour ça, pour un anthropologue, c'est magique. Et pour un vidéaste, c'est pas mal non plus, parce qu'il y a toujours de belles images à faire. Et quand on constate ce matériau-là, ce potentiel, qu'est-ce que tout de suite vous vous êtes dit, l'action culturelle se prolongeait avec le cinéma Le France, mais en termes là, plus scientifiques, est-ce que déjà l'idée de monter une installation, une exposition s'est imposée? Ou alors, qu'est-ce qui a émergé à ce moment-là de dire, qu'est-ce que je vais faire de cette matière-là? C'était monter une enquête sociologique Alors oui, c'était une recherche sociologique qui était financée par l'Agence nationale de recherche. Donc, qui se faisait circulation dans le cadre... entre Teams de Saint-Étienne. Donc voilà, moi c'était bien, c'était voilà, un petit peu mon sujet de recherche, c'est ça quoi. C'est à la fois l'immigration et en même temps les mobilités. Voilà, et c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup sur la migration et la circulation et l'échange de regards, quoi, on va dire, entre le nord et le sud de la Méditerranée, pour faire vite. Et donc là, j'avais un sujet extraordinaire. Pour moi, c'était super. Et puis j'avais envie de travailler sur les archives et l'image. Et du coup, là, comme il y avait des images nouvelles qui se faisaient à partir d'images anciennes, c'était là aussi, pour moi, c'était du pain béni, quoi. Pardon. Et donc, voilà. Donc, c'est un travail qui s'est inscrit scientifiquement au sein du Grémos et du Centre Max Weber, Université de Saint-Étienne. Voilà. Donc, on a tout le côté institutionnel et académique. Et après, ma volonté, c'était aussi de ce sujet-là. Pour moi, ça ne pouvait pas être un sujet scientifique avec une publication intimiste... d'experts. Il fallait que ça sorte de l'université et que ça se partage avec la ville et ses habitants. Et d'où l'idée de faire une exposition. Parce que même une publication, c'est un peu classique. Puis j'avais pas trop envie d'écrire, à vrai dire. C'est aussi pour ça qu'on a filmé. Et donc c'était montrer, donner à voir. Et d'où l'idée du film et puis d'où l'idée de l'exposition. Voilà. Donc on est, voilà, effectivement, ce travail, on est sorti de la confidentialité scientifique, donc un travail, une recherche accessible au grand public via cette installation qui est visible au Puy Couriot, musée de la mine de Saint-Étienne. Alors, tous ces partenaires qui viennent d'être évoqués, cités, bien sûr, sont partie prenante dans ce travail. Ce travail aussi mené au sein de l'enquête même, je dirais, scientifique ou de l'action culturelle, a permis aussi de, finalement, recenser, collecter tout ce matériau pour aussi le valoriser au sein de l'exposition. Voilà. Donc on retrouve ces petits films menés dans le cadre d'Action culturelle au France. Films d'animation, voilà, ces travaux d'échange aussi qui ont eu lieu, ces témoignages aussi que vous avez enregistrés, puisque le scientifique, le sociologue enregistre aussi. Vous avez aussi collecté ce matériau-là et utilisé également sur l'installation. Cette installation, très rapidement, pour la présenter avant qu'on retrouve un premier son, comme l'on dit, un premier témoignage, comment se présente cette installation, cette exposition? Alors, j'ai eu une chance extraordinaire parce que du coup, le musée s'est vraiment ouvert à ce projet, à la thématique. D'abord, c'est la première fois que le mineur est au centre d'une exposition de façon aussi humaine, quoi, et dans sa parole au musée de la mine. Et du coup, le musée a vraiment ouvert toutes ses portes dans le sens où on est sur trois lieux dans le musée. Premier lavabo dans la cour d'entrée, le porche et puis la salle des pendus. Et du coup, ça nous a donné la possibilité. Donc, j'ai travaillé avec les scénographes Laurent Grégory et Nadine Kahn. Et donc, on a travaillé sur l'utilisation de ces espaces de façon un peu différenciée. C'est-à-dire que la première salle, c'est essentiellement un travail à partir des archives, soit les archives privées que nous ont données les familles, soit les archives sur lesquelles j'ai travaillé aux archives municipales de Saint-Étienne, et avec l'habillage. Par les montages sons d'entretien, mais des bribes de souvenirs, en fait, c'est ça l'idée. Donc bribes de souvenirs, c'est à la fois des portraits de famille sur les murs et puis des souvenirs qui reviennent par thématique, les photos, et qui sont animés avec du son. Donc on pourra peut-être venir sur la suite des autres salles au fur et à mesure qu'on va entendre les extraits, parce que c'est un peu pensé comme ça. Donc on peut là entendre un premier extrait de cette première salle qui évoque justement le départ, la façon et les raisons pour lesquelles on quitte le village. Pardon. Il n'y avait pas des détachements ou bien des... Oui, bien sûr, les quittes, ils partent. Ce n'était pas organisé par l'entreprise. C'est pas organisé. Non. Donc il y a des gens peut-être qui ont des disputes chez eux, des problèmes de mariage. Les militaires. Ils vont tout. Ils quittent pour s'installer, pour y aller. Parce qu'il y a des gens qui sont allés en France ou bien en Belgique, qui sont jamais revenus au Bled. Ils sont enterrés là-bas. Donc c'est difficile de revenir. C'est pour cela que la majorité, à 10 ans, 15 ans, sont revenus. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Quoi, c'est ça, ils ne pouvaient pas se permettre. C'était pas organisé pareil. C'était pas la même organisation avant. Il n'y avait pas les moyens. Oui. Financiers, et puis peut-être pas les moyens. Et la majorité des gens, ils avaient des problèmes. Il y a des gens qui ont laissé leur femme. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs parents. Donc ils partent. La majorité des premiers partants, exilés, ils avaient des problèmes. Non, il y a aussi le... Parce que là chez nous, c'est un peu particulier. La terre ne peut pas nourrir ses enfants. Hein. Et dans une famille, quand il y a 4-5 frères, il y a un qui reste, les autres, pas spécialement en France. Ils sont allés à Nabas, Kikna, travailler chez les colons. Et on laissait un garder la famille. La maison, la famille. Ouais. Les autres, il faut qu'ils partent, c'est ça. Et comment on choisissait alors celui qui reste et celui qui part? Le plus jeune, c'est celui qui n'était pas marié. Mais le plus vieux. C'était obligé de partir. Ouais. Obligé. Et oui. Tout le monde qui part. Qu'est-ce qui a accentué l'immigration? C'était la Première Guerre mondiale. Ils étaient sous les drapeaux. Les gens, ils étaient sous les drapeaux. Donc, oui. Les indigènes. Ils étaient mobilisés pour la guerre, la guerre aux côtés de la France. Donc les gens qui sont morts, ils sont morts. Les gens, il y a quelque part les gens qui sont revenus. Mais les gens qui veulent rester en France, ils sont restés. Non, il y a aussi, il y a aussi autre chose, parce que quand il y a un premier départ, on tente le terrain, on s'adapte et tout. Puis c'est plus facile pour les autres d'y aller. Il y a un feedback. Voilà, ils arrivent, ils trouvent déjà un bonhomme qui connaît la région, qui connaît. Il va les embaucher, leur trouver une maison. C'est plus facile. Ouais. C'est pour ça que les derniers temps, il y avait des vagues plus importantes de migration. On trouve des quartiers arabes. En France ? France, oui. Alors là, on a un exemple de la façon dont on a travaillé. Donc, on s'est rendu avec les jeunes, on entend des voix plus jeunes, avec les jeunes et un cadre de l'association, Asdin, qui est un guide précieux pour nous, qui connaît très très bien les familles et qui connaît bien l'histoire locale, qui nous emmenait auprès des familles. Et là, c'est quelqu'un qui nous a accueillis chez sa maman, donc femme de mineur, sur les lieux, les logements mineurs qui étaient là-bas en fait. Et donc ils nous ont raconté l'histoire de ce mineur-là, de ce père. Et en même temps, donc là en fait, on a saisi une conversation. Hein. C'était pas un entretien formel au sens où on l'entend en sociologie d'habitude, avec des questions, des réponses et où c'est très calibré. Mais là, tout le monde s'est mis à parler et moi j'enregistrais et peut-être en prévision de filmer derrière. Mais il y avait voilà. Donc l'exposition, c'est aussi ça. C'est aussi rendre des moments d'échange et qui sont très spontanés, sensibles. Donc, ce que je voudrais dire aussi pour expliquer un peu comment, sur quoi le travail s'appuie et comment l'émission va se dérouler, c'est que cette région, elle est très, très marquée par ce passé d'émigration et qu'il y a tout un... Quand je dis cette région, c'est Timsrit, mais c'est aussi toute la région de Béjaïa, la petite Kabylie, où il y a une littérature qui raconte ça, il y a... la musique, les chanteurs locaux qui en parlent aussi, parfois bien mieux que nous, les sociologues ou les vidéastes. Et du coup, voilà, on vous laisse quelques minutes avec Slimane Azem et on en reparle après. Je me rappelle cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge. J'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me sont très chers. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Seul je me parle à moi-même. J'ai failli à mon devoir. J'ai mené une vie de bohème et vécu dans le cauchemar. Quand je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Une fin un peu abrupte, mais c'est, ça c'est la loi de l'informatique. Bref, peu importe, c'est très beau morceau, Algérie mon beau pays de Slimane Azem, que tu nous présentes, Daman. Alors Slimane Azem, c'est un chanteur très très important pour les Kabyles. C'est le chanteur de l'exil, hein, c'est une voix légendaire en Algérie. C'est dans ses chansons, beaucoup d'Algériens de ces époques, hein, se sont reconnus dans la souffrance, dans ces travailleurs qui étaient loin de leur famille, de leur pays, dans la solitude. Il évoque aussi l'alcool qui était là pour noyer le désespoir. Et c'est vrai que moi, enfant de parents kabyles, j'entendais petit dans la voiture ce chanteur et d'autres. Donc c'est quelque chose d'important dans notre culture. J'ai raconté aussi l'autre jour à Catherine que Slimane Azem, il pouvait plus retourner en Algérie. Il a été interdit là-bas, même ses disques passaient pas à la radio, ça passait sous le manteau. D'ailleurs, il évoque ça dans cette chanson, hein, cette souffrance d'un pays dans lequel il ne pouvait pas retourner. Un artiste censuré, quoi. Voilà, censuré. Et il vivait dans la région de Toulouse, à Moissac, où il est décédé d'ailleurs. Et cette chanson-là qu'on entend, on s'en est servi pour le film d'animation qu'ont fait les Algériens. Donc c'était l'été 2009. Ils sont venus, donc ils ont fait Saint-Étienne, mon village. Et d'ailleurs, on a eu, dans le film d'animation, on a eu une interprétation, on va dire, remixée de Mouloud Kinzi. Qui est très belle aussi. Mais ça a servi pour le scénario du film d'animation, réalisé avec des gens de l'association Ciné Plus, des jeunes Algériens et des jeunes Stéphanois. C'était un atelier. C'est des ateliers que propose chaque été le Cinéma de France. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a tendance à les faire plutôt en Algérie, les ateliers. Je reviens vite sur le travail qu'on fait aussi, nous, le France, au niveau, bon, moi je connais plus ce travail-là, qui est de... Alors, l'association Ciné Plus, c'est une association Il faut savoir qu'au niveau organisation administrative en Algérie, ça ressemble beaucoup à la France. C'est-à-dire le système associatif ressemble beaucoup au nôtre. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'État ou de la DERA ou de la Wilaya. Il faut qu'il y ait un numéro d'agrément. Il faut qu'il y ait des statuts. Il y a un bureau. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Et eux, ils avaient, quand on y allait, ils avaient des demandes au niveau technique. Ils avaient besoin d'apprendre à savoir mener des projets, former des jeunes à la technique audiovisuelle. Parce que c'est une association qui travaille bien, elle a des moyens matériels, elle a des moyens. Ils ont des locaux, ils ont des caméras, ils ont des bancs de montage. Une grande motivation des jeunes. Une grande motivation. Alors il y a une jeunesse qui est pleine d'énergie, ouais, là-bas, qui demande que ça. Donc c'est vrai que quand on va là-bas, il y a une énergie qui est formidable. Et nous, on essaie d'apporter notre savoir-faire, parce que le France aussi a un savoir-faire auprès des jeunes depuis longtemps. Et c'est vrai que ça a permis de nombreuses réalisations, parce que depuis 2008, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ici et là-bas. Donc, notamment leur documentaire, il y a eu donc Saint-Étienne aller-retour, version, on va dire, la version française de cette filiation entre Tims et Saint-Étienne, mais là-bas aussi ils ont réalisé leur propre film documentaire sur l'histoire de leur mine, qu'ils avaient d'ailleurs présenté à un festival de documentaires là-bas. Et donc, qu'ils ont présenté à Saint-Étienne ? Ben non, parce qu'en fait, ils ne l'ont pas présenté. Parce oui, il n'y avait pas la version sous-titrée encore. Il n'y avait pas la version sous-titrée. Voilà. À venir. Et on espère. D'ici et de là-bas, Tims Reed Saint-Etienne, deux villes minières. La jonction est faite au travers de cette installation exposition visible jusqu'au 15 janvier prochain au musée de la mine de Saint-Etienne. Non, jusqu'à fin février. Ah, il y a eu un report de date. Alors oui, parce que la première période était jusqu'à mi-janvier, jusqu'à février. Ben, tant mieux, petite prolongation alors pour le public. Juste, on revient à cette exposition avec la culture. On parlait de Slimane Azem. Tu disais, Daman, il est venu à Saint-Étienne jouer dans les cafés stéphanois. Voilà, c'est un... Donc il était... Alors je crois qu'il est arrivé à Longwy. Je ne sais pas si on dit Longwy. Oui, Longwy. Longwy. Qui est ville aussi industrielle. Slimane Azem, il est originaire de ce qu'on appelle la Grande Kabylie. C'est plutôt les montagnes. Tims Reed, c'est plutôt la petite Kabylie qui est sur... Le long d'une vallée, la vallée de la Souma. Voilà. Et puis qui est plutôt vers la mer. Hein. Et puis on a Tizi Ouzou qui est la capitale, qui est plutôt sur les montagnes, au pied des montagnes du Djurdjura, qui est une grande chaîne de montagnes. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens de la région Béjaïa qui sont venus. Alors moi je parle de. Moi je suis plutôt. Ma famille, c'est plutôt par exemple. Ils ont travaillé dans la sidérurgie, la métallurgie. Donc beaucoup sont venus par exemple dans la vallée du Gé, Saint-Chamond et Longwy dans. C'est quelle Lorraine. La Lorraine, oui. C'est la Lorraine. Et lui par exemple, il est d'un village pas loin de chez moi. Et donc il était plutôt là-haut. Et c'est vrai que. Il jouait souvent dans les cafés. Ouais, il faisait des tournées en fait France. Il faisait un petit peu le tour des colonies kabyles installées un peu partout dans les villes principales en France. Quoi. Donc moi petit, j'ai des souvenirs. Il était venu jouer dans un café kabyle où allait souvent mon père. Savoir que le café kabyle c'est souvent un lieu très important pour surtout ceux qui arrivent. Voilà donc. Oui, ben on en reparlera un petit peu après l'extrait qui va passer là, parce que ça, c'est l'extrait justement qui va faire un peu la jonction entre les deux. Cet extrait, ça, c'est justement un extrait d'une vidéo que Daman a montée à partir d'entretiens, plusieurs entretiens qu'on a faits où les personnes évoquent justement comment ils ont reçu en Algérie des images des mineurs qui étaient à Saint-Étienne. Et comment ils ont échangé la place que tenaient les lettres dans ces échanges-là. Et là, Slimane Azem revient avec... Les cafés, justement, on y reviendra. Et là-bas, en Kabylie, le premier arrivé, le matin à la poste, c'est lui qui va prendre le courrier de tout le monde. 98% de ce courrier vient de Saint-Étienne. Prends celui qui sait lire et écrire. C'est celui qui va lire. Et tout le monde ne sait pas lire et écrire. Quelques-uns. Les gens qui sont restés au bled, là, ils attendent que ça. C'était grandiose, c'était la fête. C'est l'effervescence. On va savoir à peu près ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on racontait d'eux ? On disait qu'ils étaient surtout malheureux. Qu'ils étaient surtout malheureux. Malheureux. Oui, mais c'est l'exil finalement. Ouais. L'éloignement. Bon, je me rappelle encore des chants des femmes. Les chants des femmes. Des femmes ici, oui, la nostalgie. Leurs maris sont là-bas. Si c'est pas le mari, c'est leurs enfants. Et qu'est-ce qu'ils disaient ces chants alors? Oui, c'est des complaintes. Les complaintes de la mère ou de la femme. Il y en a qui n'a pas revu son mari pendant. Il y en a qui ne les ont pas revus depuis 40 ans. Ils sont partis et une seule fois, ils sont plus revenus. حملا ويدك رانا ربي نايمة يما ما يرنا يطعال والدينا. Donc généralement dans la première lettre ils annoncent leur arrivée en France et ils sont arrivés sains et saufs. La fameuse expression, je vous écris, c'est calculé pour vous faire savoir. Comment ça va si vous travaillez, si tu n'es pas malade, si tu es en bonne santé, voilà, si tu manges bien, c'est normal. Si vous avez, madame Tisserat, Tisserat des enfants. Non, c'est la même chose. Notre famille, il dit, voilà, si tu manges bien, si tu n'es pas malade, si tu n'es pas pauvre, il faut penser toujours à la famille. Et voilà, c'est ça qu'ils disent. Voilà, nous sommes en bonne santé, il ne faut pas penser pour la famille. Et je passe un grand bonjour de la part de monsieur, de madame, de mademoiselle et tout. C'est tout. Oui, mais il fallait trouver quelqu'un qui pouvait les écrire ces lettres. Il y avait des gens qui ne vivaient que de ça, là-bas. Ils ne travaillaient pas la nuit. Ils se faisaient rémunérer pour du bruit. Ils écrivaient les lettres et ils lisaient le courrier. Oui, oui. Ceux qui avaient la chance de savoir écrire quelques phrases, qui commençaient toujours. D'ailleurs, il y a un de nos chanteurs là, qui a parodié un peu la vie d'immigré, Slimane Hazin, vous aviez dû entendre parler, qui a fait une chanson sur ça, sur le courrier. Donc, il parlait de recevoir là-bas, il recevait deux lettres, l'une de son père, l'autre de son beau-père, et chacun qui lui a raconté sa vérité. Donc, et à la fin, il ne savait pas quoi faire, il va se noyer dans l'alcool et tout ça. Donc les lettres, il commençait toujours, je t'écris ces quelques lignes. Voilà, c'est le préambule. Bon, voilà. Donc le dernier à parler sur cet extrait, c'est un homme qui, justement, a été écrivain public, mais pas un écrivain public, donc, comme il en parle, pardon, mais un des jeunes écrivains publics qu'il y avait en Algérie. Il y avait très peu d'enfants qui étaient scolarisés pendant la colonisation. Il y avait un niveau d'instruction qui était très, très difficile à acquérir et généralement très bas, sauf pour quelques familles. Généralement, c'était des familles qui étaient liées à l'administration française ou à l'armée française. Et c'est le cas de ce monsieur dont le papa était militaire. Donc lui, il a eu la chance d'aller à l'école. Et en allant à l'école, il est devenu écrivain public dès qu'il a su lire et écrire. Donc c'est lui qui ramassait les lettres dans l'épicerie du coin, du quartier, et qui allait l'amener aux familles. Donc il leur lisait les lettres et il écrivait les réponses. Et ça a été des témoins précieux pour nous, parce que du coup, ils connaissaient beaucoup de choses de ce qui se passait à Saint-Étienne. Et ils avaient plein de représentations, plein d'images en tête. Parfois, ils ont vu quelques photos rares, très rares. Il le dit lui-même. Et donc, voilà. Alors, nous, on a eu des images très rares aussi. On en a vu très peu. Je vous disais au début de l'émission que j'avais travaillé à partir d'images d'archives. Et donc, en fait, ces images d'archives, elles m'ont permis parfois de voir des mineurs à l'image. Il y en a très peu de ces mineurs-là. Mais ces images, de me rendre compte de quelle était l'ambiance de Saint-Étienne à l'époque où ils sont arrivés. Donc ceux que j'ai rencontrés sont arrivés dans les années 30, 40, 50, 60, on va dire. 30, 40, 50 surtout. Après, les autres, c'est des gens qui se sont installés ici. Et donc, ils témoignent de ce qu'était leur vie quotidienne à Saint-Étienne. Leur vie quotidienne, c'était le travail, mais c'était aussi l'habitat. Et c'était pas mal, quoi. C'est assez costaud de rentrer dans cet univers-là. À l'époque, l'habitat était vraiment très, très, très, comment dire, très délabré à Saint-Étienne. Pour le milieu populaire en général, pas seulement pour les immigrés, il y a beaucoup de familles françaises qui vivaient dans des conditions très très difficiles. J'allais dire ça n'a pas beaucoup changé. Mais... Quand même un peu, si. Mais on en voit les traces, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit dans le Saint-Étienne d'aujourd'hui les traces de cet habitat ancien qui a quand même été largement rénové, si, il ne faut pas dire. Et puis donc, ils nous parlent aussi beaucoup de leurs loisirs. Donc dans l'expo, il y a un extrait vidéo sur les loisirs qui est assez drôle parce que les gens en parlent avec beaucoup d'humour. Ils nous parlent beaucoup des cinémas, des vogues. Et dans l'extrait audio qu'on va entendre maintenant, qui est un montage que nous a fait Lionel, on ne l'a pas dit, mais Radio Duo a travaillé pour nous sur cette exposition. Donc là, c'est un extrait qui nous parle des loisirs et qui est dans la première salle, donc en articulation avec des images d'archives, des archives municipales de Saint-Étienne. Dimanche, Lionel. Mais ils se retrouvaient tous là. C'était le marché de la ferraille. Ouais. Le marché de plus, c'était pratiquement un marché qui était réservé aux hommes. Il y avait des hommes. Oui. Ils achetaient rien. Ils achetaient rien, mais. Enfin, ils avaient. Les gens peuvent venir. Ils disaient voilà. Non, mais il n'y a rien à faire. Ils disaient. En fait, c'était une rencontre. Voilà, c'était le seul moment qu'ils s'accordaient. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'une fois, je l'embêtais. Oui. Tu lui as dit. Trois démarches, je les soulève, je prends mon manteau, je dis, je vais. Parce que. Ouais, parce qu'il, bon, chaque fois qu'il y allait, parce qu'à chaque fois notre père, quand il rentrait dans un magasin, son truc, il osait pas. Lui, si tu rentrais quelque part, il fallait que tu achètes. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire dans le magasin? Tu n'y vas pas pour regarder. Voilà. Si tu y vas, c'est pour donc acheter. Tu ressors. Donc tu ressors chose. Avec quelque chose. Lui, pour lui, c'était une espèce de gêne, de honte. Il disait, ah, mais non. Donc, même quand il allait au marché, il ramenait toujours quelque chose. Le marché aux puces. Oui. Clapier. Oui. Ouais, la ferraille. D'ailleurs, on n'appelait pas le marché aux puces, c'était le marché de la ferraille. On ne disait pas le marché aux puces à l'époque. Les vieux, ils parlaient de la ferraille, le marché de la ferraille. Et moi, je me rappelle, des fois, il y avait même des saltimbanques qui venaient faire du vélo, des petits vélos, des trucs comme ça. C'était comme des trucs de cirque. Ils venaient comme ça. Là. Ça, je me rappelle. La Baron. Il s'appelle Monsieur La Baron. Un ami. On a travaillé ensemble au charbon. Il travaille toujours, il fâche toujours. Il bon se met Dieu, en colère. Bon Dieu, non, Dieu, toujours en colère. Quand je travaille avec lui, c'est fini. Moi, je dis, je travaille bien. Il fâche plus. Alors, il m'aime bien, il m'aime bien. Il parle à ses copains, voilà, j'ai un bon ouvrier, j'ai un bon machallah. Alors, un jour, il m'a dit, tu vas venir avec moi. Il habite où? À Saint-Maurice. À Saint-Maurice de Lignon? Oui, à Saint-Maurice. À la campagne? À la campagne, oui. Il est paysan. Il n'est pas tout seul. Hein. Ils sont au moins 4-5. Qui venait de là-bas travailler à la mine. Il m'a dit plusieurs fois, je t'amène avec moi, chez moi, voilà, tu vas voir la maison, tu vas voir la campagne, tu vas voir, on va manger ensemble. J'ai dit oui, un jour, j'ai dit non, je ne vais pas à la montagne. Pourquoi? J'ai refusé comme ça, parce que cette époque-là, moi, je ne peux pas voir les gens beaucoup, je suis jeune. Timide? Voilà. Un peu timide, un peu gêné. Voilà, ça veut dire Elle dit qu'elle a des jeunes filles, ils vont te voir. Voilà. Pour être de la Hajj, c'est. Ouais, j'ai dit non. Il dit il y a une région juste à côté, un village voisin, Beni Jlil. Tous les immigrés de Beni Jlil, quand ils partent pour la première fois en France, et elle passe chez lui. Oui. C'est un peu, c'est lui l'accueil, quoi. Mm-hmm. Ouais. Avant de s'adapter à la société française, avant mm-hmm. de trouver du boulot et tout, mm-hmm. elle passe leur première journée chez lui. D'accord. Ouais. Et c'est lui qui trouve le logement et peut-être le travail. Ouais. C'est très important. Mm-hmm. Il y a un chanteur kabyle qui parmi les premiers chanteurs mm-hmm. kabyles qui ont chanté sur l'exil à la Wazaroki. Alawa Zarouki. Et il a dit, c'est un ami de son père, il est ami avec son père, et ils travaillent ensemble, ce café. Ils travaillent ensemble. Et le chanteur, il est venu chanter dans le café, faire des soirées? Il fait des soirées. Avant, à l'époque, il chantait dans des cafés. Ouais, alors là, je trouve que c'est un extrait qui représente bien l'ensemble du travail, parce que on a sur la fin des extraits des entretiens qui ont été conduits à Timsrit, et au début, c'est deux familles qui sont à Saint-Étienne et qui parlent de leur vie familiale et de la vie de leur père à Saint-Étienne. Alors ça, c'est les extraits d'entretiens audio. Daman, tu m'as dit un truc l'autre jour que je trouvais qui rassemblait bien l'état d'esprit dans lequel on avait travaillé sur le côté vidéo. Oui, je racontais qu'en fait, la technique audiovisuelle et notamment la réalisation d'un film, c'est l'importance que ça a, c'est que ça réveille les mémoires, ça permet aussi d'aller donc à la fois recueillir des récits, des témoignages, mais d'aller chercher aussi des archives, des photos. Et tout ça, ben, on le synthétise, on écrit une histoire et ça crée des liens aussi avec les jeunes. Parce que par exemple, en Algérie, les jeunes qui étaient avec nous derrière la caméra ou au son, ils entendaient cette histoire pour la première fois pour certains, ou alors ils l'avaient entendue comme ça dans des conversations, mais c'est la première fois qu'ils entendaient leurs aînés parler de toute une époque, du travail de la mine, des choses qui s'étaient passées et qui se révélaient à eux. Et c'est aussi ça l'intérêt de faire un film. Ça permet un petit peu de construire une mémoire commune. En plus, le film, on peut le restituer après et le projeter aux gens dans une grande salle. Et on a souvent beaucoup d'émotions, que ce soit aussi pour l'exposition, mais aussi pour les films quand on les projette, que ce soit à Timsritz ou ici à Saint-Étienne ou ailleurs, hein, parce que les films voyagent. C'est toujours des moments importants. Et d'ailleurs, ça délie d'autres paroles. Les gens viennent nous parler, nous dire « Ah, mais moi aussi, mon grand-père était à la mine. Nous aussi, on était dans ma région, il y avait ça. » Et donc, ils apprécient beaucoup, en fait, ce travail-là. C'est important parce que c'est aussi une génération qui est en train de partir, de disparaître. Donc, c'est un peu notre histoire qui s'en va. Et c'est une manière de la sauvegarder, en fait. Parce que l'Algérie, c'est un pays qui est, on va dire, en reconstruction, et il y a un travail de mémoire qui est en train de plus en plus se faire aussi là-bas. L'importance du pays qui est en train de se relever à tous les niveaux, et ce travail auquel on participe nous déjà est important en tout cas. Après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. Il a warum des potes. La flamboyant t'aime sceptique. Collège de les conférences pour étudier tous les sens. Le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages. C'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France. C'est la raison d'espérance. Au Carnest, il y a de la chance. Mais c'est de la résidence. Les conversations, le chômage, l'immigration. Et après les élections, On attend qu'on nous annonce. Chaque fois ça recommence. Echaïla yagin sport, football tesis nam l'amour. Mais il a ismen safar, Azran la différence. La résidence. Quand il est dur, c'est pour les migrés, bien sûr. Avec la conscience pure, dévouement et des souffrances, ça mérite la récompense. Alors, on a fait chez toi, figuez nazi dans ma roue. Mais il est ismer, il faut subir les conséquences. Il faut subir les conséquences, y'aura plus de ruminance. Et tout ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence. Pour moi, ça a de l'importance. C'est un droit de la yéti, je t'écoute à mon tes fertiges. Rabbi, t'es fini, je te ferai. Et demain, je t'avance jusqu'à la fin de l'existence. Mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France, bien avant la résidence. Mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France, bien avant la résidence. Mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. bien avant la résidence. On a bien sûr reconnu les voix des Toulousains de Mousse et Hakim au sein de leur projet Origine Contrôlée, qui est un projet musical justement qui reprend cette mémoire, en tout cas ce patrimoine culturel et musical notamment. On parlait de Slimane Azem, c'est justement sur ce titre-là, un titre signé et écrit par Slimane Azem. Et l'ensemble de cet album Origine Contrôlée est inspiré de ces chanteurs exilés, immigrés, sont ces chansons de l'immigration algérienne que mène Origine Contrôlée, via d'autres actions aussi. Hein. Ils font tout un travail aussi écrit, un festival qui est vraiment dédié à cette démarche et ce travail-là. C'était Carte de résidence, Origine Contrôlée, Mousse et Hakim. Après cette pause musicale, on revient à cette exposition d'ici et de là-bas, Teams Ritz, Saint-Etienne, Mémoire de mineurs, expo visible au Musée de la Mine jusqu'en février prochain. On te retrouve Catherine pour enchaîner et poursuivre cette visite guidée finalement. Je vais faire la sociologue 30 secondes. En fait, Zebda, c'est pas par hasard, parce qu'on voilà, on voulait un groupe français qui reprend des morceaux anciens. Et en fait, bon, en plus, ils sont extrêmement militants et tout ça. Et ils sont une génération particulière. C'est leurs parents qui sont arrivés, eux, ils sont nés en France. Et en même temps, ils ont à peu près l'âge... Enfin, ils sont un petit peu plus vieux que nous, quoi. Mais c'est quand même, ça reste une génération qui, aujourd'hui, a besoin de s'interroger sur cette histoire. Et non seulement de s'interroger, mais de produire à leur tour quelque chose sur cette histoire et de produire du sens et de l'identité, de la réflexion, de l'interrogation. Et donc, moi, je considère que mon travail, c'est un accompagnement de ça. Je ne veux pas le faire à leur place et je veux le faire avec eux, à leur côté. Et c'est, ça a été le sens de ce travail. Et j'ai essayé dans l'expo et Daman aussi, je crois, de faire ce travail vraiment en partage avec les gens qu'on a interrogés, les habitants de Saint-Étienne. Et puis on a travaillé avec des artistes aussi. Et on a travaillé donc Daman, bien sûr, que je considère comme un artiste vidéaste. Et puis aussi Mathieu Bonjour et Sandrine Binou, dont on n'a absolument rien dit jusque-là, et qui ont été des auteurs, des acteurs importants de ce travail, qui sont photographes, qui travaillent avec la méthode du sténopé. Et méthode c'est... photographique, ils sont voilà. Photographes sur ce, effectivement, l'expo. Voilà, et donc on a travaillé ensemble en 2011 en Algérie et puis à Saint-Étienne pour constituer des portraits sonores. Donc il y a eu une série de portraits qu'ils ont fait, des portraits en noir et blanc, des portraits en couleur. Et il y a une galerie de portraits dans l'exposition de portraits contemporains. Et puis dans la salle des pendus, il y a quelques portraits qui ont été mis en exergue, portraits en couleur, sur fond d'entretien. Des personnes donc qu'on a photographiées et qu'on voulait. Je vous laisse écouter maintenant le témoignage de Monsieur Abdelli, qui est un Stéphanois, qui est très âgé et que j'ai interrogé avec sa famille dans le quartier de Tardy-la-Cotonne. En fait, je ne sais plus, c'est rue Colombet, je crois qu'il habite ce monsieur dans des anciennes maisons de mineurs. Et si à Corio, il y a deux pouilles. Deux pouilles. Oui, à deux pouilles, il y a un qui s'appelle Châtelet, la cage Châtelet. C'est la première fois que j'ai descendu à la mine, j'ai descendu à la taille de Châtelet. Après à Corio. Alors, j'ai travaillé, je crois, qu'un an et demi. Et ben, je suis rentré à l'Algérie, j'ai resté un an avant. Je suis revenu encore. J'ai travaillé un an et demi encore. Je suis parti à l'Algérie. J'ai resté un an. Ça fait 2 ans déjà. Après, je suis venu en 1955. Je suis revenu. Après, j'ai resté pour toujours. Je prends un mois de vacances, comme ça, un mois de vacances. Alors, presque avant, mais donc pas beaucoup pour les ouvriers. Alors, ils te donnent un mois de vacances, c'est tout. Alors, après, j'ai resté 18 mois. 18 mois à l'Algérie, alors le jour que je vais venir ici en France, alors je pensais, des fois je ne prends pas ma place, alors j'écris une lettre pour l'ingénieur, pour l'ingénieur qui s'appelle Sissina, c'est l'ingénieur de la mine, alors j'écris une lettre à ma ingénieur, alors je lui dis, si vous me prenez, je prends ma place, je reviens, si je ne prends pas ma place, ce n'est pas la peine de venir, je traîne à Saint-Étienne. Et bien, il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, je te donne 8 jours. Si vous rentrez dans 8 jours, vous prenez ta place, comme avant. Je suis venu tout de suite. Après, j'ai resté pour toujours. Alors, j'ai rentré ici en France, le 11-10-49. J'ai rentré ici le 11-10-49, j'ai resté un mois sans travail. Alors, qui a s'occupé de moi s'appelle Edir. Voilà. Alors, je suis venu avec lui, parce que la première fois que je suis venu ici en France, alors c'est lui qui s'occupe de moi. Après, quand j'ai été au bureau, il m'a donné le bon, il m'a dit « obligé de vous passer les stages ». Parce qu'en 49, alors tous ceux qui sont embauchés à la mine, il faut qu'ils passent les stages durs. Après, ceux qui la réussi, ils descendent de la mine. On a passé les stages 6 personnes. Alors il faut charger une benne de charbon avec la main droite. Vous cherchez une benne de charbon avec la main gauche. Alors il faut couper les bois. Vous le coupez les bois, vous le mettez comme ça. S'ils sont droits ou non. Alors après, il te donne marteau piqueur avec celui-là qu'on arrache le charbon. Alors il faut le démonter, il faut le remonter. Et bien sur 6 personnes, il y a le Marocain le premier et moi le deuxième. Après, sur 6 personnes, il y a 5 qui sont rushés, descendant à la mine. Les autres, ils prennent la paille et cherchent le travail ailleurs. Après, quand on a passé les stages, il y a un gouverneur qui passe. Il y a un gouverneur qui passe toutes les semaines et regarde le travail. Et bien, quand je descendais au fond, j'ai tombé sur lui. Alors, un jour, je travaillais avec un copain. Alors, lui, à ce moment-là, les piqueurs, ils gagnent 500 francs. Les piqueurs. Alors, les manœuvres, ils gagnent 250. Alors, je travaillais sur un manœuvre sur un copain. Alors, un jour, j'ai discuté avec lui. J'ai dit, comment que ça se fait? Moi, je suis capable de travailler comme toi. Alors, il a descendu le gouverneur. Il a dit au gouverneur, il a dit, voilà, il ne veut pas travailler. Alors, le gouverneur, il m'a dit, pourquoi tu ne veux pas travailler? Je lui ai dit, je crois que je serai plus de toi. Alors, j'ai dit, quand j'ai passé les stages, c'est toi qui l'as passé. Je suis le deuxième. Maintenant, j'ai capable de travailler comme lui. Pour gagner 500 francs, je ne gagne pas 250. Alors, il m'a dit, alors, demain, je te donne une pile, je te donne un scoffin, vous passez comme toi. Parce qu'il faut savoir, travailler comme toi, tu vois. Ce qu'il vous dit, il y a le piqueur, c'est-à-dire celui qui tombe le charbon. Et tout de suite derrière, il y a ce qu'ils appellent les boiseurs, ouais. Ceux qui tiennent les galeries. Pour pas que ça s'écoule, bien sûr. Alors voilà, donc c'est un extrait d'un de ses portraits. Je vous invite à aller entendre la suite et à découvrir ces très belles photos au musée de la mine. Je veux lancer aussi une invitation aux familles, éventuellement, aux centres sociaux ou encore aux écoles qui désireraient avoir un petit commentaire autour de la visite de l'exposition. Voilà, c'est possible, il faut me contacter et on peut arranger ça. Je le fais un peu régulièrement depuis le début de l'exposition. Et puis maintenant, on va finir avec une série d'événements qu'on a programmés autour de l'expo. Je veux juste signaler deux petites choses quant au Grémos. Il y a deux événements à noter. Le 1er décembre, Jean-Michel Steiner et Maurice Bedouin nous présentent leur ouvrage sur les grèves de 48 à la médiathèque de Saint-Chamond. Et le 6, ils animent une soirée, comme ils l'ont déjà fait en France, une soirée à la Cinémathèque où ils présentent les images de Léon Le Ponce des grèves de 48 qu'ils commentent à l'écran. Le livre qui a fait l'objet d'une réédition. Voilà. Autre actualité, date, agenda, peut-être, parce que là, on va arriver du coup sur le mois de décembre ensuite, début décembre, fameuse Sainte-Barbe. Donc, est-ce que quelques actions particulières sont menées dans le cadre aussi, ou en lien étroit avec cette exposition? Alors, dans le cadre de l'exposition, l'année scolaire dernière, moi-même et Mathieu Bonjour, on a mené des ateliers. Alors, pour ma part, c'était au centre d'animation du parc de Montaud, auprès de jeunes. Alors, c'était des 8-12 ans à peu près. 8-12 ans. Et on a fait un travail en lien avec l'exposition sur la mine. Donc, ça a abouti à un petit court-métrage, un travail à partir d'archives fabriquées, d'une histoire. C'est plutôt une petite fiction qu'on a écrite avec les enfants. Et voilà, on a fait un petit film qui sera projeté d'ailleurs à la soirée du France, c'est le 5... Alors en fait, donc oui, il y a une soirée qui est organisée au France le 5 décembre, lendemain de la Sainte-Barbe, donc à partir de 17h30, dans laquelle on va projeter ce film-là, le film qui avait été réalisé avec les Algériens en 2009, Saint-Étienne, mon village, et puis le film de recherche qu'on a monté, Daman et moi, sur les entretiens réalisés en Algérie. Et on verra les travaux de Mathieu. Et on verra, voilà, dans la salle seront exposés aussi les travaux de Mathieu. Et du collège, parce que donc à Terre Noire, en fait, il y a eu une deuxième série d'ateliers autour du travail de Mathieu et de la question toujours des étrangers dans les mines à Saint-Étienne, donc des portraits photos et un journal qui a été réalisé par les collégiens. Donc tous ces travaux seront présentés lors de cette soirée. Et puis en fait, il y a une petite exposition dans l'exposition, puisque ces travaux-là vont être exposés à Courriot à nouveau, en parallèle de l'exposition dont on vient de parler. Et l'inauguration aura lieu le 3 janvier avec les enfants et les témoins. Et toutes les personnes du secteur éducation populaire qui ont envie d'y participer. C'est un événement bien sympathique, deux événements bien sympathiques qu'on attend avec impatience. Et qu'on aura l'occasion de rappeler sur cette même antenne. Juste indication aussi peut-être pratique, est-ce que Catherine, tu souhaitais donner le blog qui permettait peut-être de réagir, enfin d'échanger aussi sur cette installation et cette exposition, une petite adresse internet? Alors je ne l'ai pas de tête. Alors on la mettra en ligne sur le site du Grémos, voilà. Le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, où vous retrouverez aussi en intégralité cette émission en podcast. Sont les www.gremos2mos.l'autre.net. Gremos.l'autre.net. On va terminer là-dessus. L'expo est visible, on vous le rappelle, jusqu'à février prochain. Puis Courriot, Parc Musée de la Mine, c'est ouvert tous les jours. Oui, et l'entrée, je rappelle, est libre. Et l'entrée est libre sur cette expo-là. Sur cette expo. En effet. Et concernant l'Algérie, je rappelle aussi tout un cycle, l'histoire en question, qui est menée du côté de la Cinémathèque Médiathèque de Saint-Étienne, autour, c'est une autre question, de l'indépendance algérienne. Mais de beaux rendez-vous encore en perspective sur ce mois de novembre et décembre prochain, notamment ce jour, si vous chopez cette émission aujourd'hui même, 15 novembre. On en a parlé dans cette émission. Et avec le Grémos, le film de Dominique Paré, coproduit par la Maison Quartier du Soleil, Sommes-nous revenus d'Algérie, est projeté à 14h30 et 20h à la Cinémathèque. On se laisse là-dessus. Belle continuation et longue vie à cette exposition. Merci à vous d'être venus pour cette émission spéciale Grémos. Merci, au revoir. On termine avec des Orientales. Ah oui, un groupe stéphanois. Ouais, qui a beaucoup travaillé aussi sur cette question de l'exil et de l'immigration. Abdel Sefsaf qui fait aussi un projet solo qui est en spectacle du côté de Sorbier, L'Échappée d'ailleurs, ce vendredi 16 novembre. Quand m'embrasseras-tu? Un projet et spectacle multidisciplinaire, on va dire. Watani, des Orientales pour terminer. Merci. مش بعيد من هناك دار ما نفرك اكتر ما ننساك مش بعيد من هناك دار ما نفرك اكتر ما ننساك يا وطنية يا وطنية يا وطنية يا وطني وراه وطنية يا وطني وراه وطنية يا وطني Ankara, Mascara, Moa, Santé, New York, Cuba, sans cesse ici ou là, je veux traverser le monde sans trêve, faire d'ici à là-bas, pour qu'enfin le jour se rêve. Dans les rues de Paris, Tokyo, New York ou Marrakech, on porte le chapeau, les tresses, la casquette ou le chèche. Et pour choisir le couvre-chef, plein de doutes que je sèche, alors je laisse nu et coupera mes cheveux rêches. Va dire au maître du monde que le petit est à la porte, dans une poche les clés des frontières et la misère dans l'autre. Va dire au petit juge de poussière qu'il vient le cœur dans sa main, il vient danser sur vos airs, donner sa sueur pour vos seins. Si tu le vois venir, tiens le cerf, le sponum nomade in France, jeune homme tout bad in France, ce vieillard qui se balance entre deux rivages, les mêmes eaux séparent nos visages. J'aimerais boire tout l'océan pour rapprocher nos paysages. Ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya Watani, ya